Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte aujourd'hui de l'association Kaléidoscope qui est située à Jarville-la-Malgrange et qui va bientôt fêter ses 40 ans, en 2025. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Fabienne Travaglia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association. C'est ça. Et Manuel Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier donc, de l'association. Donc 1985, la création, presque 40 ans, quelques années de passé déjà, et beaucoup de choses de vécu. Expliquez-nous un peu déjà tout simplement l'objectif premier de l'association Kaléidoscope. Comment c'est né ? Kaléidoscope, donc, comme vous l'avez mentionné, est né en 1985, donc à la demande de parents d'origine étrangère qui avaient interpellé les travailleurs sociaux de l'époque en disant « bah voilà, nous on souhaiterait que nos enfants réussissent à l'école comme les autres et on n'est pas toujours en capacité de les aider. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Madame Le Sur Françoise, qui était assesseur au tribunal pour enfants, était sur le quartier à ce moment-là et a mobilisé son réseau pour créer Kaléidoscope. Au départ, l'association avait pour objectif principal la réussite scolaire des enfants du quartier, donc y pratiquer essentiellement des activités d'accompagnement scolaire. Donc vous êtes situé précisément donc, aux 2 rues Georges Bizet, à Jarville-la-Malgrange, c'est dans quel quartier ? C'est le quartier de la Californie. Dans le quartier de la Californie, voilà tout simplement. Et depuis 1985, donc, cette association s'est créée du lien social aussi simplement sur le quartier ? Oui, Kaléidoscope donc, a continué ses activités d'accompagnement scolaire et de projets éducatifs et de loisirs en direction d'un public jeune. Hein, au départ, c'était uniquement donc, pour les élèves scolarisés en élémentaire et au collège. Et puis, en 2016, un tournant de l'association, donc notre passage en espace de vie sociale. Espace de vie sociale, alors et qu'est-ce que c'est un espace de vie sociale, Manuel Pelletier ? Alors, un espace de vie sociale, c'est un dispositif qui est soutenu par la CAF, qui est déployé par la CAF. C'est comme un centre social, mais c'est, on va dire, c'est la dimension juste en dessous. Ça a les mêmes missions générales, on va dire, d'accompagnement social sur un territoire. Ici, c'est le quartier de la Californie. Depuis 2016, l'association est passée dans ce dispositif-là. Ça nous a permis de consolider nos activités d'accompagnement scolaire, donc d'accueillir, comme le disait Fabienne, des enfants de classe élémentaire et du collège, voire certains lycéens quand ils le demandent. Mmh. Et puis, surtout, de développer des activités en direction des adultes du quartier. Donc les parents de ces élèves éventuellement aussi ? Ça peut être les parents, ça peut être aussi d'autres habitants, des gens qui n'ont pas forcément des enfants scolarisés. On essaye de développer des activités à la demande des parents. C'est souvent eux qui expriment des besoins, des envies. Mmh. Et puis on propose aussi des activités qui correspondent à des dispositifs qui sont soutenus par nos partenaires. Donc ça va être des activités d'ordre sportif, par exemple, si les parents souhaitent découvrir des activités sportives. Par exemple, on a fait des activités de découverte du vélo, prise en main du vélo, essentiellement pour des mamans du quartier qui souhaitaient apprendre à faire du vélo. Donc ça, voilà, c'est le type d'activité qu'on peut mettre en place. Ça peut être des activités autour de la prévention, autour de la santé. Ça peut être aussi, évidemment, des activités. Donc nous, on travaille surtout le lien, la parentalité, le lien entre les enfants, les parents, la famille, et aussi les découvertes socioculturelles pour les habitants du quartier, qui n'ont pas forcément des facilités ou, on va dire, le réflexe de s'ouvrir à l'extérieur, d'aller voir d'autres domaines. Donc on a aussi ce type de projet. Un autre exemple peut-être d'activité et des plus que ça apporte aux habitants du quartier, Fabien Travaglia. Manu parlait de l'ouverture culturelle, de permettre aux personnes de sortir de leur quartier et d'accéder à des lieux auxquels ils se sentent éloignés ou ils se sentent interdits d'aller. Je voulais mettre en avant le travail qu'a fait Géraldine Horter, donc la référente famille, avec son projet culturel, donc qui a permis à un groupe de femmes, alors il s'avère qu'on a un public très féminin à l'association. Bon, pas pour les jeunes et les enfants, mais les adultes, ouais, c'est vraiment un public plus féminin. Oui. Et donc Géraldine a permis à ce groupe de femmes d'aller voir la Traviata, l'opéra, de participer à des pièces de théâtre, enfin voilà, à se rendre dans des lieux qui leur semblaient interdits. Et là, on sent qu'elle a semé des petites graines qui commencent à pousser parce que des mamans se disent bah, on va essayer d'y aller, d'aller nous aussi maintenant à 2-3 comme ça, donc on se dit banco, pari réussi quoi. Donc vous êtes très très bien implanté, maintenant vous connaissez bien sur le quartier de la Californie à Gerville-la-Malgrand. Pour parler chiffres à peu près, hein, sans être précis bien entendu, vous accompagnez beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. On a quasiment un nombre stable d'enfants et de jeunes, donc ouais. Ça tourne aux environs d'une centaine, 100-110 enfants et ados accompagnés. Et en personne adulte, oui. On doit être à une 60-80, quelque chose comme ça. Parce que juste pour préciser les activités qu'on mène et qui amènent un public qui est aussi extérieur à la Californie, c'est qu'on a mis en place depuis une paire d'années maintenant une action français langue étrangère. Ça répond à une demande vraiment très forte du public adulte et un atelier d'accès aux droits. Parce que là aussi, on se rend compte que c'est vraiment un gros problème pour beaucoup, hein, toute la dématérialisation des services publics, ils sont complètement perdus. Donc on a deux types d'actions, donc un accompagnement plus à l'usage du numérique et puis un deuxième accompagnement où la référente famille de l'association donc, reçoit individuellement sous forme de rendez-vous donc des personnes pour les aider dans leur démarche, soit avec la préfecture, soit avec la CAF, les différentes institutions. Donc on le voit en vous écoutant que les activités de l'association ont bien évolué, vous êtes adapté vraiment à toutes les situations. Pour rendre possible tout ça, bien sûr, il faut du monde. Alors Fabienne, vous êtes la directrice, mais vous êtes certainement accompagnée de nombreux bénévoles. Comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Juste une petite précision, quand on parle de connaissance de l'association dans le quartier, juste une petite précision, c'est vrai qu'on commence vraiment à être connus et on a la confiance des habitants, mais c'est dû au fait qu'on a depuis les années 90, on va dire, une équipe vraiment très stable. Moi, je suis là depuis 92. Manuel... Je suis rentré à l'association en tant que bénévole en 91. On a certains membres de notre conseil d'administration qui sont là aussi depuis le début des années 90. Donc, c'est vrai que ça crée une continuité, puis une visibilité, et ça nous permet d'avoir la confiance des habitants, de pouvoir se lancer dans des nouveaux projets avec eux. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, on a donc une équipe qui est constituée par Fabienne, qui est la directrice. Et puis actuellement, on a deux personnes, une référente, on va dire animatrice, plutôt pour les familles, pour les actions en direction des adultes, donc c'est Géraldine Horter. Et puis on a un animateur qui lui va plutôt être référent des activités jeunesse, donc c'est Jules Emono. Et puis on accueille aussi un apprenti, c'est quelque chose qu'on fait aussi parce qu'on a certains jeunes du quartier qu'on a eu comme adhérents qui sont venus à l'accompagnement scolaire et puis qui ont des projets professionnels qui des fois rencontrent les activités qu'on peut porter à l'association. Ouais. Donc on a un jeune, ça fait la deuxième fois qu'on a un jeune en apprentissage, donc il est, alors Fabienne connaît plus son parcours professionnel, comment faire l'intitulé de son parcours. Il est moniteur éducateur, c'est Nalvin Dobreva. Voilà. Et puis on accueille régulièrement des services civiques aussi. Ça, c'est en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, la Pôle 54. On aime bien en avoir trois. Alors actuellement, on n'en a qu'un seul. Donc ça, on lance un appel à des jeunes qui souhaiteraient venir chez nous. Il n'y a pas de problème, on peut les accueillir. Ça permet de consolider un peu notre personnel, on va dire. Et puis, on a bien évidemment des bénévoles. Donc, il n'y a pas seulement ceux qui s'investissent dans le conseil d'administration ou dans les fonctions statutaires de l'association. Mais il y a en particulier les bénévoles. Ça, c'est historique à l'association. C'est depuis le début. On a des bénévoles qui nous aident à l'accompagnement scolaire pour les enfants, donc du CP jusqu'à la troisième. Donc, vous l'avez dit, il y a vraiment un socle de bénévoles qui sont là, qui sont investis dans le conseil d'administration comme vous. Alors, peut-être pour revenir sur votre cas particulièrement, comment vous êtes investi, engagé dans cette association? Comment c'est né? En fait, au début des années 90, le quartier de la Californie a subi un plan, ça s'appelait le DSQ, le développement social des quartiers. C'est l'époque où ils ont complètement rénové la Californie, enfin, c'est une première phase de rénovation, et ils avaient une politique, ils voulaient obtenir, je crois, 30% de logements occupés par des étudiants. Enfin, moi, j'étais étudiant à l'époque sur Nancy, donc c'était une aubaine parce que ça, pour le prix d'une chambre universitaire, on pouvait partager un appartement plus grand. Et puis, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est venu dans mon école faire de la publicité pour l'association Kaleidoscope, et comme c'était sur le quartier, ben, ça me disait bien. Donc, je suis rentré pour aider les enfants, faire leurs devoirs. Et puis après, j'ai intégré le conseil d'administration. Et puis, il se trouve que je suis devenu président de l'association entre 2003 et 2018. Et puis depuis, je suis le trésorier. Voilà, de fil en aiguille. Donc, il y a un véritable attachement à l'association, mais aussi au quartier et à ceux qui y vivent. Alors oui, moi, j'ai vécu 9 ans dans le quartier. Et puis oui, de l'attachement avec l'équipe de direction, avec certains membres du conseil d'administration. Puis ça correspond à des actions. Voilà, je pense c'est important d'être auprès de ces populations-là, dans ce quartier-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Ben, on le voit bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est souvent des populations qui sont les premières impactées par toute l'actualité, que ça soit économique, sociale, politique. Donc c'est, moi je trouve que c'est des endroits très riches. C'est aussi des endroits où il y a beaucoup de potentiel. C'est comme partout, hein. Il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien, mais c'est ça, c'est bien réparti sur tout le territoire. Voilà, il y a surtout de la jeunesse dans ces endroits-là. Je me répète, mais il y a beaucoup de potentiel et moi, je crois beaucoup à faire en sorte que tous ces jeunes-là et toute cette population-là aient accès aussi à tout ce que moi, aujourd'hui, je peux avoir parce que j'ai une trajectoire dans la société qui est plutôt positive, mais je souhaite partager le plus possible auprès de ces populations-là. Et puis, je trouve que Kaléidoscope a le mérite d'être une association qui a su rester indépendante. Même si aujourd'hui, on a des partenariats et des conventions pluriannuelles avec plusieurs partenaires, on rentre dans des dispositifs qui sont ceux de l'État, ceux de la CAF, de la commune et des autres partenaires. Ça, il y a aucun souci. Mais on a une démarche, nous, on a d'abord des idées, puis après, on va essayer de trouver le partenaire ou le guichet qui va pouvoir nous soutenir. Et puis, on a parfois des idées très étranges, très bizarres ou très ambitieuses. Mais on est plutôt comme ça. On écoute la population et puis s'ils ont envie de faire des voyages, on va leur dire, écoutez, banco, allons-y. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour faire des voyages? Est-ce qu'il faut qu'on fabrique des objets, qu'on les vende lors du vide-grenier, qu'on trouve des sous, qu'on se batte ensemble? Oui. C'est un peu ça le processus, quoi. L'avantage de notre structure, c'est que comme on est une structure associative, on a de la souplesse. Donc, ça nous permet aussi de réagir vite par rapport à l'actualité. Par exemple, quand il y a eu la crise du Covid, l'association s'est pas arrêtée. Tout de suite, elle a transformé tout l'ensemble de ses activités. On a construit un atelier couture pour fabriquer des masques. On s'est associé avec des professionnels de santé du quartier. Et on a organisé des distributions de masques très rapidement. Donc ça, c'est l'avantage d'être une structure associative. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quasiment, on peut choisir de lancer un projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment super aussi, quoi. Donc cette résilience et cette adaptabilité aussi à la situation, vous le vivez aussi au quotidien, Fabienne, ça vous le sentez? Vous sentez aussi ce dynamisme dans le quartier, puis chez les bénévoles aussi qui vous accompagnent, les adhérents? Oui, complètement. Il y a vraiment quelque chose, moi, que je veux mettre en avant, c'est Manu l'a un petit peu évoqué, c'est la jeunesse, c'est le potentiel. Ils ont des qualités que nous, Kaléidoscope, on se doit aussi de mettre en avant et d'essayer de changer un peu l'image qui traîne un peu au basket de ces quartiers. Et c'est vraiment au travers de projets qu'on veut souvent ambitieux, qu'on arrive à ça. Manu parlait tout à l'heure qu'on a des fois des rêves un peu fous. Voilà, je pense que c'est ça aussi l'âme de Kaléidoscope, c'est de dire on s'interdit rien, on tente, on verra, et on entraîne les gens, que ce soit les jeunes ou les adultes, voilà, là-dedans. L'exemple, je pense, le plus marquant, c'est le voyage en Californie, aux États-Unis, où on a proposé à des jeunes, allez, est-ce que ça vous tente qu'on essaye d'aller voir la Californie, mais la vraie en Amérique. La vraie, pas le quartier. Pas le quartier, la vraie. Et puis, ils nous ont dit, OK, d'accord. Et comme disait Manu, on a fabriqué des choses, on a organisé des soirées. Enfin, on a été soutenus aussi financièrement par des partenaires qui ont fait confiance à ces jeunes-là, qu'on avait structurés en junior association pour vraiment asseoir leur crédibilité et puis être crédibles auprès des partenaires. Et puis, banco, on est allé 15 jours aux États-Unis, quoi. Enfin, à la découverte de la Californie. Et je pense que c'est ça un peu le moteur et puis l'âme de Kaléidoscope. Et puis l'autre chose, c'est que encore une fois, on utilise nous le potentiel, l'énergie de ces jeunes, en les accueillant au service civique chez nous. C'est vraiment une priorité pour nous, c'est de dire d'abord on regarde dans le quartier. Et puis comme l'a évoqué aussi Manu, les deux contrats d'apprentissage, c'était un effort financier, je pense, de la structure. Mais on l'a fait parce que ça permettait de donner un coup de pouce à ces jeunes. Et oui, il y a vraiment une énergie, un dynamisme qui servent aussi à ce que nous, on reste mobilisés et qu'on a envie de faire plein de choses, quoi. Même 30 ou 35 ans après, je pense qu'on a toujours la même énergie, la même envie, quoi. Exactement. Et cette envie, vous voulez la partager, vous la partagez aujourd'hui. Alors, vous nous avez dit que vous recherchez encore des services civiques pour vous accompagner dans cette mission, pour faire quel genre d'action, justement, quelle activité au sein de l'association et ses services civiques? Les services civiques, nous, on a un fonctionnement qui est assez souple, là encore. C'est sûr qu'ils viennent en partie soutenir l'activité qu'on développe, mais les services civiques, on les associe à un projet qu'on individualise. Si par exemple un service civique a, il a des talents de musicien, et si on va lui proposer, s'il souhaite, de développer un projet autour de la musique pour revenir en complément des actions d'accompagnement scolaire qu'on peut faire, parce que l'accompagnement scolaire, c'est évidemment les devoirs, aider les enfants à acquérir des méthodologies de travail, les suivre aussi dans leur scolarité, mais c'est aussi leur faire découvrir d'autres domaines qui peuvent être plus culturels. On utilise aussi les compétences des services civiques, voire leur projet professionnel, parce que souvent le service civique, c'est une phase de transition entre deux périodes. Oui. Donc, on adapte aussi la mission en fonction des envies des jeunes qui viennent en service civique chez nous. Kaléidoscope s'adapte à toutes les situations et même, presque à toutes en tout cas, mais à tous les jeunes aussi que vous accueillez, même pour les services civiques. Vous cherchez aussi bien sûr des bénévoles comme toutes les associations, ce qui n'est pas forcément toujours facile de trouver et de mobiliser, mais il y a de la place aujourd'hui encore, bien sûr. Des bénévoles, on en accueille toujours, il y a toujours de la place, donc principalement pour l'aide aux devoirs. Oui. Et nous, on a un grand principe, moi c'est pour ça que j'ai adhéré aussi, enfin que je suis venu à l'association au début, c'est qu'on sait ce que c'est que le bénévolat. Le bénévolat, les gens doivent prendre du plaisir à venir, ils doivent y trouver quelque chose, partager des valeurs, et puis ça doit leur apporter des choses. Pour l'accompagnement scolaire, par exemple, on est tout à fait ouvert à ce que des gens viennent pendant une ou deux séances, discutent avec la directrice, et puis si ça leur convient pas, ils peuvent repartir. Il y a pas d'engagement. Il y a pas d'engagement. Mmh. Après, les gens, naturellement, ceux qui adhèrent, ils vont s'engager naturellement. Oui. Mais voilà, nous, on sait que c'est pas forcément quelque chose d'évident. On devient pas bénévole comme ça en se disant, oh, tiens, super. Parfois, c'est l'association va convenir, l'ambiance de travail convenir, les locaux, les horaires. Mmh. C'est sûr. Tous ces aspects-là. Donc nous, on est toujours ouverts. Les gens peuvent nous contacter, prendre contact avec Fabienne ou au travers de notre compte Facebook. Et il n'y a pas de souci. Nous, on accueille les gens. Ils viennent, ils essayent. Et puis, ils peuvent dire au bout d'une ou deux séances, dire, bon, non, ça ne me convient pas ou je ne voyais pas les choses comme ça et je préfère m'investir ailleurs. C'est complètement ouvert. Il ne faut pas que gens se sentent... C'est normal, quand on est bénévole, il faut trouver le juste équilibre. Il faut que ça remplisse quelque chose et puis que ça serve. Bien sûr. Alors, pour vous contacter, vous avez cité une page Facebook. Comment on peut faire simplement pour vous contacter aujourd'hui? Moi, je pense que l'adresse mail de Fabienne, c'est le mieux pour prendre contact, oui. Donc, c'est tout simple, c'est fabienne0212@sfr.fr. Une adresse donc on retrouvera bien sûr sur le site aussi de la radio avec cet entretien. 2025 marquera les 40 ans de l'association. Est-ce que vous y pensez déjà? Est-ce que vous imaginez des choses un peu folles là aussi? On n'en a pas encore vraiment parlé, mais alors moi récemment, j'ai eu la visite d'une ancienne jeune qu'on a accompagnée. Je crois qu'elle faisait partie des toutes premières services civiques quand le dispositif est né, qui a eu d'ailleurs le privilège de rencontrer Martin Hirsch, qui était à l'époque responsable, je crois, du dispositif. À l'initiative, oui. Voilà, c'est ça. Et qui m'a dit, je voudrais te soumettre une idée, je voudrais pas faire contre Kaléidoscope, mais avec Kaléidoscope. Kaléidoscope va effectivement fêter ses 40 ans bientôt. Et ben moi, j'aimerais pouvoir réunir des anciens de Kaléidoscope. Là, je suis en lien avec certains, il y en a beaucoup qui sont d'accord pour venir. Est-ce que tu m'autorises à le faire? Je lui ai dit, oui, bien sûr, ça peut être vraiment sympa. Pas de voir ce que sont devenus les tout premiers tout petits qu'on a accompagnés dans les années 90. Donc voilà, c'est un peu en cours. C'est les premières idées. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Alors moi, si je peux me permettre, juste une petite parenthèse. Quand on parle des bénévoles, je voudrais bien évidemment citer aussi Aurore Kepa, qui est la présidente de Kaléidoscope, son deuxième mandat, je pense, et qui elle aussi était bénévole quand elle était étudiante. Donc c'est encore un exemple de l'attachement des gens à Kaléidoscope. Ils entrent quand ils sont étudiants bénévoles et puis finissent au trésorier, président. C'est typique du bénévolat qu'on prône à Kaléidoscope. Aurore, aujourd'hui, elle travaille. Oui. Donc, on se partage les rôles. Elle ne pouvait pas être présente, mais on a échangé avant avec elle, évidemment. On essaye aussi de respecter les contraintes de chacun vis-à-vis des activités de l'association et de leurs activités professionnelles ou personnelles. Donc, une association à découvrir ou à redécouvrir. 2 rue Georges Bizet à Jarville-et-Malgrange. On en retrouve bien sûr l'adresse email sur le site de la radio. Merci beaucoup à vous deux d'être venus présenter l'association. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de Kaléidoscope? La suite pour Kaléidoscope, c'est c'est quelque chose qu'on travaille, c'est des bonnes relations avec nos partenaires, des relations constructives qui peuvent être parfois un peu critiques de la part de l'un ou de l'autre, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, je me permets quand même de citer les principaux partenaires de l'association parce qu'on est soutenu. Faut savoir que, vu le public qu'on accueille, on demande très peu de cotisations à nos adhérents et c'est normal. Donc, on est soutenu par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On est soutenu par la commune de Jarville, par le conseil départemental, par la métropole du Grand Nancy et aussi par la région Grand Est. Donc ça fait des partenaires importants qui nous suivent. Puis évidemment l'État au travers de la politique de la ville ou des soutiens sur certains postes. Et puis de temps en temps, on va chercher des sous à des fondations privées qui peuvent nous soutenir. Et certes, c'est du travail supplémentaire, mais c'est souvent un soutien important qui vient amplifier encore les actions qu'on porte. Pour plein de belles réalisations et plein de sourires sur les visages des habitants du quartier et bien plus encore. Merci à vous deux et à bientôt. Merci. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.